La POC, une présentation de danslescoulisses.com. La référence pour tout savoir sur le CH avant tout le monde. Si tu connais pas danslescoulisses.com, tu connais pas le hockey. Voici JB Gagné et Jerry Godbout. La POC. Salut tout le monde, bienvenue dans la POC, votre podcast spécialisé sur les activités du Canadien de Montréal et dans l'analyse des médias qui couvrent les activités du Canadien de Montréal. JB Gagné, votre animateur, et avec moi, Jerry Godbout. Hey, bonjour, bonjour. On salue tous ceux qui viennent dîner avec nous sur sportsradio.ca. Sinon, on salue aussi les gens qui nous écoutent via RZO Web, via Radio H2O, via notre site internet, lapoc.net, via iTunes, via Pocket Cast, via toutes. Toutes! On est partout. Donc, trêve de plug. Je suis vraiment content de faire un show cette semaine, encore une fois, avec toi, Jerry, et bien sûr, un classique. Moi, je bois de l'eau. Ah! Ouais, j'essaie de couper la bière un peu, je m'entraîne. Je m'entraîne, fait que c'est pas très bon pour la ligne. Bon. Ok, je te juge un peu, mais ça va aller. C'est correct. Hey, je te laisserai partir avec ton premier sujet. Je vais juste mentionner l'affiche du Canadien de Montréal. Nous sommes au moment de l'enregistrement, le 5 décembre 2016, le Canadien de Montréal a 25 parties de jouer. Et jusqu'à maintenant, 17 victoires, 6 défaites et 6 défaites en prolongation. Bon pour 36 points et ça nous classe au premier rang dans l'Est et même de toute la Ligue nationale, un point devant les Rangers et les Blackhawks. Je vais faire une petite rectification. C'est 2 défaites en prolongation. T'as dit 6, mais je t'en veux pas. J'ai 2 défaites puis 2 en prolongation. Je m'excuse. J'ai fait correct. Un lapsus. C'est correct. 17-6-2. Ouais. Honnêtement, je suis content que tu commences avec ça. Parce que je vais suivre là-dessus. Ça nous donne, comme tu dis, le premier rang dans toute la ligue. Ouais. Ce qui est quand même assez hot à 25 matchs. Bon, OK, l'effondrement va peut-être arriver un moment donné, ça se peut. Mais pour le moment, ça va quand même très bien. Et je veux aussi mettre l'accent sur une fiche d'équipe qui est les buts pour, donc les buts que le Canadien ont compté. 74 total sont bons. Ils sont, dans le fond, ils sont classés 6e dans toute la Ligue nationale. Je sais qu'on n'arrête pas de parler dernièrement dans les médias de la léthargie à l'attaque, que ça fonctionne pas, il y a pas de, ça score pas pis tout. Faut quand même se dire qu'on est 6e dans la Ligue nationale. Et là, l'équipe qui en a scoré le plus en ce moment, c'est les Rangers avec 95. Il y a quand même un pas pire gap entre les deux, donc ouais. Il y a environ 20 buts. Mais tu sais, si on suit après, c'est 87, 80, 80. Puis là, on rentre dans la gamme du Canadien qui est 77-74 pour le Canadien, à égalité avec Chicago et Winnipeg. C'est quand même pas pire pour un club qui en score pas tant. Là. Ouais. Une des affaires qu'il faut noter, là, du côté de l'attaque, c'est clairement Galchenyuk et Radulov qui tirent le club. Pacioretty pas loin derrière avec 18 points. Mais ce qui est étonnant, c'est la production des défenseurs. Shea Weber et Andrei Markov ont eux aussi 18 points. Ce qui les classe chez les défenseurs de la Ligue nationale vraiment de façon très très positive. Là, faudrait que je sorte. Écoute, je vais le faire live là avec vous autres pour le classement des défenseurs. Donc, il y a Burns à 22, Carson à 20, Shattenkirk à 19, Edmund à 19, puis après ça, tu as Weber et Markov qui sont à 18. Donc, ça leur donne le 5e et 6e rang chez la production offensive pour les défenseurs. Ça joue dans l'équation. Là. C'est 40 points qui viennent pas de d'attaquants. Fait que ça donne la marge de manœuvre. Là, ce qui est intéressant pour le Canadien en date d'aujourd'hui, c'est que Alex Galchenyuk, le premier centre, s'est blessé un genou. On connaît pas au moment de l'enregistrement, on connaît pas la, l'intensité de la blessure, l'ampleur de celle-ci, combien de temps qu'il va être à l'écart du jeu. Il se promenait pas de béquilles. Par contre, Carey Price aussi, l'an passé, au moment de sa blessure, se promenait pas de béquilles. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment... En tout cas... Ben, je sais qu'il y avait JC Lajoie qui avait amené l'hypothèse, je sais pas s'il y a des contacts. Ouais, comme il y avait parlé d'un médecin. Ouais, ça serait un ligament croisé, je sais pas quoi, dans le genou. Fait que c'est une déchirure partielle, fait que c'est pas complet. C'est-tu le même genou qui s'était blessé au junior? Je ne sais pas l'autre. Non plus. C'est... OK. Fait que j'espère juste que, comme tu dis, c'est pas très grave, qu'on va le revoir, parce que justement, c'est lui et Radulov qui font la pluie et le beau temps chez le Canadien de Montréal. Fait que j'espère que ça va bien aller. J'ai bien aimé la dernière game où ce que Pacioretty s'était quand même bien jumelé au duo. Non, pour vrai, c'est, j'espère que ça va pas être trop pire. Mes doigts sont croisés en ce moment, même si vous ne les voyez pas. C'est important que tu le dises. Oui, il fallait que je le dise. Puis il faut aussi noter, tu notes comme quoi que la défensive est quand même très forte offensivement. Il faut aussi noter qu'elle est très bonne défensivement aussi. J'ai parlé des buts pour, les buts contre. C'est 56. Bon, OK, je sais qu'on a Carey Price. Fait que ça, ça l'aide grandement. Mais 56 sont encore une fois bons pour le sixième rang. J'aime parler de ces statistiques-là parce que je trouve que ça montre aussi l'ensemble de la saison pour le moment. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des pieds de céleri, ils sont pas genre 24, là je parle pas du power play, des affaires même, mais on n'est pas 24e classé pour ça, même si on est dans le top de la Ligue nationale. Tu sais, on est quand même des bonnes stats. Fait que, personnellement, je trouve que c'est mieux que l'année passée pour le moment. Mais c'est ça, on voit qu'il y a une certaine stabilité. Même s'il y en a sûrement qui en ce moment, ils disent « T'as pas rapport, toi, ça score pas le Canadien. » Mais oui, ça score quand même, comme vous pouvez le voir. T'sais. Mais tu sais, dans les shows précédents, on voyait vraiment des situations particulières, puis on veut revenir. Il y a certains trucs qu'on va devoir jaser en profondeur, mais force est d'admettre que jusqu'à maintenant, malgré... T'sais, un voyage dans l'Ouest qui a pas été facile, le Canadien réussit à se tenir bien classé. Est-ce que la chaîne va débarquer comme Terrien nous a habitués dans les années précédentes? Puis la blessure de Galchenyuk peut être un point tournant dans la saison. Ben c'est là qu'on va le voir. Puis c'est là qu'on va voir que ben le Canadien de Montréal, est-ce qu'ils ont beaucoup de profondeur en attaque au centre? Je pense pas. C'est un méchant gros problème. Je te rappelle là, la ligne de centre du Canadien de Montréal. Okay? On a Galchenyuk qui est plus là. On a Plekanec, Desharnais, Mitchell, Dano. Non, ça c'est quand même pas pire. Ouais, mais c'est correct, premier, mais dans un rôle défensif, oui. Ouais, c'est sûr. Là, moi je suis allé voir. Moi, je me suis dit, OK, là il y a un blessé. Allons voir ce que les spécialistes en disent. Et malheureusement, pour une rare fois, je suis obligé de mettre Danny Dubé et Gaston Terrien dans le même panier, ce qui est très, très rare. Les deux voient David Desharnais comme une alternative pour remplacer Galchenyuk au centre du premier trio. Ben c'est parce que je comprends leur logique, dans le sens que Pacioretty va être le premier trio avec Radulov. Puis on est quand même obligé d'admettre que David Desharnais a une bonne vision. L'exécution, vas-tu y aller avec la vision? Ça, c'est autre chose. Tu sais, je veux dire, Radulov, ça patine sur un pas pétant. Mais en même temps, la chimie avec Pacioretty, je le sais pas, pour vrai. Je pense pas. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que je vois aucune alternative présentement. Là, je fais comme, hey, Gatchek, et puis là, qui c'est que je mets au centre sur mes trios? Ah, attends une minute. Personne, c'est-tu correct, ça? Ou... Ben, ou ça fait à la limite. Tu fais une ligne ordinaire, là. Ouais, c'est ça. On va jouer avec un duo, OK? Non, mais je sais pas. Dans ma tête, à moi, j'aurais dit « Hey, c'est-tu pas la meilleure occasion de mettre Charles Ludon avec Radulov et Pacioretty sa première ligne? Go for it, tu sais. » Il est blessé. Hey, il y a une fracture du sternum, tu sais. J'ai aucune idée comment il s'est fait ça, pour vrai. Là. Ben, il s'est assis sur de quoi de dur, là. Ouais, c'est ça. En tout cas... C'est pas ça pour tout, OK, c'est une joke. Non. Mais tu sais, c'est ça. En même temps, là, faut que le Canadien rappelle quelqu'un. Là, je okay. Mais moi j'ai un optimisme aujourd'hui là, que j'ai rarement, OK? C'est rare, ça. Check-moi aller, là. Parce que Michel Therrien est l'entraîneur du Canadien, ce qui est cool avec la blessure de Galchenyuk, c'est que t'as juste 14 minutes par match à remplacer au lieu de 20 comme il devrait. C'est cool, ouais. Hein? Ouais. Ah, c'est positif? Hein? Ça dépend. C'est du positif dans du négatif. Ouais. À la limite, ils vont en donner 22 à Plekanec, tu sais. Ouais. Rendu là. Ouais. Ah non, mais pour vrai, je sais pas. Moi, je montrais McCarron, puis je le garocherais dans la fosse au lion. Let's go. Mais c'est parce que McCarron, sur un premier trio, c'est clair qu'ils sont pas capables de suivre. Sur une 2, sur une 3, ça va. Mais ça reste que le problème principal du Canadien de Montréal, c'est de remplacer le premier centre. Ah oh, ouais, ben, c'est ça l'affaire, c'est que la seule option que je verrais en ce moment, là, c'est d'aller chercher un premier centre ailleurs. Puis en même temps, c'est parce que c'est proche. Parce que même que l'autre revienne, c'est qui ton premier centre, tu sais? Ben, ça, c'est une bataille à l'interne. Tu sais, c'est pas grave. Premier, deuxième trio. Ben, regarde. En dit là, Therrien, de toute façon, les roule les quatre pas mal égal en temps de jeu. Fait que. Ouais, mais c'est pas un gros problème, là. Tu mettons le. Ben, je me reconnais pas, je suis trop positif. Ouais, non, mais on va se le dire que présentement à l'interne, t'as aucun premier centre, à part Galchenyuk qui est blessé. Plekanec, on va se le dire d'emblée, je suis plus capable, pour vrai. Je veux dire, attends, c'est 7 millions. Ah ouais, ouais, il y a un but. Ouais. Hey, c'est cher du but. Est-ce qu'on se rappelle de Scott Gomez? Ah, ben, ouais, c'est tout. Je vais passer au prochain point. Le pire, c'est que je vais revenir à Plekanec plus tard parce qu'il y a des affaires à jaser. Oh, on va en jaser en masse. Autre alternative pour aller au centre, est-ce que Radulov pourrait compenser au centre? Ben, je pense que oui, pour vrai, parce que il est capable de jouer partout. C'est sûr qu'il va se ramasser souvent à droite, là, mais en même temps, c'est pas grave. Il tourne tout le temps. Je dis même s'il est à droite, il va à gauche, il va partout. Mais en même temps, ce que j'aime de Radulov, c'est que c'est une bougie d'allumage pour le trio. Il est tout le temps à sa... Tu sais, je veux dire, il est tout le temps à sa poc. Même quand il est à terre, sur le dos, il essaie de garder la rondelle. Il nuit à l'autre équipe. Ouais. Il fait tout. Puis l'avantage dans un déplacement comme ça de Radulov de l'aile droite au centre, c'est que à l'aile droite, t'as Radulov, t'as Gallagher, t'as Shaw. Mettre Gallagher sur une première ligne pour remplacer Radulov, c'est un moins gros problème que de monter Desharnais ou Plekanec sur un premier trio pour remplacer Galchenyuk. Ouais, ben donc, tu te ramasses avec Pacioretty, Radulov, Gallagher. Deuxième ligne, Lekkonen, Desharnais, Shaw. Troisième ligne, Barron, Plekanec, Dano. Tu sais, il y a un mix de même. Là. Le dernier six, là, on s'en sacre pas mal. Là. Ouais, ça s'alterne pas mal. Mais tu sais, ça donne des trios relativement équilibrés. Puis l'autre avantage, c'est que, ben, Galchenyuk t'es pas bon pour faire les mises en jeu. Fait que, même si Radulov l'était pas, hein? Non, ça, mais je pense que t'as la meilleure alternative pour eux. À court terme, en tout cas, c'est ça ben, à essayer, là. On va voir en même temps ça marche ou ça marche pas. Mais avec le chien que Radulov a, mélangé avec le chien de Gallagher, même si présentement je trouve qu'il est quand même un peu au neutre, mais il se fait barouetter et tout, mais quand même. Je pense que ça pourrait être bon. En même temps, ça relancerait probablement Gallagher. Puis Pacioretty, on va se le dire, là, je dis jouer avec Radulov au dernier match, c'était bénéfique en maudit. Non, on pourrait. Ben, j'achète totalement tes propositions de trio. Même que Lekkonen, ça a deux, j'aime vraiment ça. Le kit de qui est venu. Il y a tellement des chances de marquer. Là. Ah, ça a pas de bon sens. Bon, ouais, il est super bon. Ce gars, il va finir par débloquer et ça va rentrer à tout bout de champ. Mais c'est là aussi l'importance d'un bon deuxième centre aussi. Parce qu'il faut un centre qui est capable d'alimenter un joueur comme Lekkonen. Il est tout le temps bien placé. Il me fait penser à un genre de Radulov en plus petit. Ouais. C'est pas, peut-être un peu moins d'acharnement sa rondelle, mais il est tout le temps bien placé. Il bouge tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que son jeu est gardé simple. Mm-hmm. Il aussitôt qu'il y a rondelle, il y a garoche au net, ce qu'il faut tout le temps faire. Non, Lekkonen, pour vrai, c'est une méchante bonne surprise. Il y a un de mes amis qui me disait « Hey, ce gars-là me fait capoter, puis pour vrai, je suis vraiment content qu'on l'aille. Je le connaissais pas tant avant. Je savais que c'était un bon espoir, puis j'aime vraiment ce que je vois pour elle. Ouais. Là, si on regarde, mettons que ça marche pas Radulov, puis qu'on a besoin de remplacer Galchenyuk pour une couple de semaines, parce que ça parle de 4 à 6 semaines. Tu sais, dans un scénario moyen optimiste, très très optimiste, 2 à 3 semaines, c'est là, ça serait pas si pire. Mais c'est aussi ça pour Price l'année passée. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, là, on va y aller, scénario catastrophe. Imaginons que Galchenyuk est plus là pour le restant de la saison. À l'interne, on vient de se le dire, on n'a pas de solution pour, à court terme, remplacer Galchenyuk dans un rôle de premier centre, ou du moins, mettre quelqu'un au premier, puis tu sais, que le trou devient en deux. Il y a un gros problème, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canadien de Montréal, on s'entend, côté masse salariale, l'espace est pas énorme. Donc, on n'a pas beaucoup de jeux. On parle de 1.2. Si on enlève le contrat de Galchenyuk, ça, c'est une autre affaire. C'est que c'est 2.8, mais ça a de l'as de blessé. C'est pas une grosse marge de manœuvre, là. Non. Ça donne pas grand-chose. Donc, en termes de transactions, qu'est-ce qu'on a qu'on peut permettre de lâcher lousse pour aller chercher du talent pour ce rôle-là? Ben, il n'y a pas grand... Ben, tu sais, oui, il y a du... Moi, personnellement, il y a beaucoup de lousse dans le Canadien côté joueurs qu'on peut se débarrasser. C'est plus une question de qui c'est qui veut les prendre, tu sais. C'est... Parce que si tu espères relâcher de la masse salariale, faut que tu t'attendes à en recevoir un retour. Il y a très peu d'équipes qui sont capables d'absorber ce genre de... écoute, peut-être que les Coyotes de l'Arizona pourraient ramasser un salaire à la Plekanec, tu sais, si on leur donne genre un bon espoir ou deux gros choix, tu sais, quelque chose comme ça là. Ça pourrait éventuellement se faire, mais je pense que ça tombe dans le très très improbable. Après ça, en termes de trucs qui affectent pas ton alignement là pendant la saison, ben c'est tes choix. Le Canadien de Montréal a son choix de première ronde, a deux choix de deuxième, le sien et celui des Capitals, et en 2018 a son choix de première et trois choix de deuxième ronde, le sien, celui des Hawks et celui des Capitals. Donc, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre là. Une équipe qui veut bâtir par le repêchage, parce qu'on s'entend que le Canadien, la fenêtre, c'est là, ça pourrait devenir intéressant d'aller chercher des choix au repêchage de cette qualité-là. Après ça, qu'est-ce qui devient disponible pour ces équipes-là en échange de choix? J'en ai aucune idée. Faudrait faire une recherche. On jase un petit peu à la voix comme je te pousse, parce que des joueurs de centre, là, toutes les équipes en ont besoin. Puis c'est pas facile de libérer un joueur de centre de sa formation. Il y a tout le temps les fameuses rumeurs. Tu sais, des Ryan Nugent-Tompkins que tout le monde fait « il prête du pass, hein? » Ou John Tavares, genre. Ouais, mais tu sais, Tavares va devenir agent libre. Est-ce que vraiment les Islanders ont zéro confiance dans leur possibilité de re-signer Tavares? Puis est-ce que ça vaut seulement des choix de deuxième ronde? Je pense pas. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, comme moi, la rumeur Tavares, je veux qu'on en parle un petit peu plus tantôt parce que je la trouve intéressante. Improbable, mais intéressante quand même. Parce que les joueurs mentionnés dans la transaction peuvent être intéressants. Seule affaire, moi, je vous le dis tout de suite, l'affaire Tavares, ça va être l'affaire Stamkos 2016-2017. Ouais. C'est carrément ça qui va arriver, là. Tout le monde va le voir partout dans la Ligue nationale, genre Toronto. Même affaire que Stamkos, puis il va finir par signer à genre 7 millions, 8 millions l'année prochaine. Mm-hmm. Carré, là. Ouais. J'essaie de regarder, là, dans écoute, les joueurs de centre de la Ligue nationale, là, puis il n'y a pas grand-chose. Tu dis, ah, ouais, wow, il pourrait vouloir s'en débarrasser. Tu sais, il y a peut-être à s'annoser Joe Thornton. Mais ça va bien là-bas qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Puis le salaire ne fit pas non plus à Montréal. Il y a déjà eu des rumeurs de Matt Duchesne. Est-ce que l'Avalanche Colorado veut brasser à ça à ce point-là? Je sais que ça va pas bien là-bas cette saison, mais est-ce qu'ils sont prêts à reculer de un, deux pas en arrière pour ramasser des choix en retour de Matt Duchesne? Vraiment pas sûr. Mais je pense pas, parce que de un, Matt Duchesne, on en parlait beaucoup plus quand c'était Patrick Roy qui était là, puis il est plus là. Fait que la mentalité a clairement changé. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le top 50 des joueurs de centre, là, j'étais pas mal sorti les noms où est-ce qu'il y a déjà eu des rumeurs, là. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui peuvent être intéressants, mais que tu. C'est parce que c'est ça l'affaire, tu sais, comme. ça serait le fun qu'on puisse aller chercher un, mettons, un Claude Giroux. Ça arrivera pas. Non, t'sais? C'est ça. Ben, quand même qu'on vous vendrait du rêve, ben, ça donne rien. T'sais. Même Jeff Carter, moi, le voir dans l'uniforme du Canadien de Montréal, j'aimerais ça, tu sais. Je pense pas que ça arrive, tu sais. Non. Y a plein de joueurs comme ça qu'on aimerait. Tu sais, le seul joueur, je pense, qui pourrait être probable d'avoir, c'est Jonathan Marchessault parce qu'il est jeune, puis encore là, ça marche en Floride, là. Mais je sais pas. Ouais. C'est un joueur que moi j'avais déjà mentionné, qui est jeune, puis que ça a pas de l'air à fonctionner. Son club va super bien, mais lui a pas des stats à tout casser. C'est Boone Jenner, qui a eu des saisons incroyables par le passé. Tu sais, du 49 points l'an passé, puis cette année, il a seulement 8 points en 23 matchs. Tortorella semble avoir l'aval de son DG, semble avoir changé ses méthodes. Ça me fait capoter de le dire, mais il a de l'air de bien aller, puis de bien faire ça. Mais Jenner s'est repris un peu dernièrement, là, fait que je sais pas si... C'est un joueur que j'apprécie moi aussi, fait que je le check un peu plus. Il y a deux passes dans les deux derniers matchs, puis ensuite de ça, c'était à vide, là, pas mal. Là. Fait que est-ce que eux pourraient se dire, des choix de deuxième ronde, plus un prospect? T'sais, moi, rendu là, je regarde la formation du Canadien de Montréal, puis un Charles Hudon ne semble pas avoir sa place. Pourquoi tu lui donnes pas cette chance-là? Mêlée dans l'échange, puis advienne que pourra, t'auras fait... Ben écoute, t'auras brûlé un espoir, mais au moins t'auras du renfort là, maintenant, dans la Ligue nationale. Puis pour un jeune comme Boone Jenner, ben pourquoi pas, tu sais. Mais moi, en même temps, il y a beaucoup de joueurs que je verrais aussi à Montréal, là, dans les centres, mais je reviens encore à Tavares, parce que pour moi, là, c'est mon nouveau Malkin de cette année. Bon, dis-moi qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi les rumeurs, parce que je t'avouerais que moi, quand tu me dis Tavares, je regarde ailleurs, parce que je me dis, j'ai pas le goût de me faire niaiser, j'ai un cœur. Je suis fragile, puis je veux pas pleurer, OK? Fait que je me suis comme tenu loin, mais pour là, pour l'occasion, m'a permettre de me faire potentiellement mal. Ben, en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs dernièrement parce que Thatcherly fonctionnait pas, donc c'était-tu le temps de l'échanger? Faudrait-tu y enlever le C, l'envoyer ailleurs parce qu'il y a trop de pression, blablabla. Puis bien évidemment... Tavares devient agent libre à la fin de l'année. Donc, tu fais 1 plus 1 égale 2. Beaucoup de gens associaient Pacioretty aux Islanders de New York et Tavares à Montréal. Il y a quelques personnes qui ont aussi mentionné que Montréal serait un bon fit pour Tavares. Personnellement, Tavares à Montréal. Mais là, je vais te mettre un bémol. Parce que moi, j'ai déjà vu un expert dire que lui, là, il prendrait Pacioretty avant Ovechkin. Ouais, si ton expert, c'est Gaston Therrien, ça s'annule. Ah ouais? Ah, OK. Ouais, ça s'annule. D'ailleurs, cette citation est ressortie sur les réseaux sociaux cette semaine. Je sais pas pourquoi, je pense que notre influence grandit. Ah non, mais pour vrai, là. En tout cas. Faudrait que les Islanders rajoutent. Si je comprends bien Gaston, faudrait que les Islanders rajoutent. Écoute, ça jase, là, mais mettez de votre bord, tu sais. On va le prendre, Shutterbug, au pire. Mais non, pour vrai, c'est ça. L'échange, ce serait en gros, là, je veux dire, il y aurait sûrement des ajouts pour Montréal, même si Tavares est agent libre à la fin de l'année. Mais la rumeur se tiendrait quand même, personnellement, je trouve. C'est pas vraiment le même style de talent. On s'entend que Tavares, je le prends bien avant Pacioretty. Mais je vais te faire rêver, là. Mais imagine, dans l'uniforme... C'est pour ça que tu travailles pas RDS. Ouais. Non, mais imagine le Canadien avec Weber, Price et Tavares. Voyons, t'as comme le... C'est comme une partie de l'équipe Canada. Ben ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tu veux dire, t'aurais quelque chose de très solide. Puis ce que je veux dire par l'échange se tient quand même beaucoup. Non, non, vraiment. OK, c'est assez. J'en reviens. OK. Non, mais c'est beau. C'est correct. Pacioretty a un contrat à 4,5 millions jusqu'en 2019. Ce qui est honnêtement un méchant bon contrat pour un scoreur en moyenne de 30 à 35 buts par année. Même si Pacioretty cette année marche un peu moins bien, il faut quand même dire qu'il a 18 points en 25 games. Il a 7 buts, 11 passes. il est quand même plus 6. Je ne sais pas, un pied de céleri, il est 51e dans les points dans la Ligue nationale. Ouais. C'est sûr que Tavares c'est meilleur, mais il devient agent libre à la fin de l'année. Donc en même temps, c'est pas totalement sûr qu'on le re-signe. Moi, personnellement, si je l'échange, c'est sûr que ce serait pour le re-signer. Je veux dire, oui, puis c'est dans cette l'échange. Dans cette optique-là encore, mon Jerry, 7 millions Thomas Pécanic. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais à la limite, là, tu t'arranges pour le donner genre en Arizona. Tu t'en vas, je sais pas, au moins. Tu donnes un Plekanec, un choix de deux, tu demandes Duclair puis Anzal à la limite. Hey, tu sais, le choix que je t'avais dit la dernière fois. Hey, Anzal est fini à la fin de l'année, t'as Duclair, tu te débarrasses de 7 millions, tu signes Tavares avec l'échange patch. Regarde, tout s'arrange dans la vie, là. Mettez-en un petit peu de votre bord, là, quand même. Ben, c'est ça. Non, mais en tout cas, j'aimerais ça pour vrai que ça se passe, mais même si Patchery, même si Tavares, excuse, est agent libre à la fin de l'année, je veux dire, sa valeur est quand même assez immense. Ouais, le positif là-dedans, c'est qu'au niveau comptable, pour cette saison-ci, ça fonctionne. Tu passes d'un 4.5 à 5.5, ça fit avec l'espace qu'on a sous le plafond salarial. Ouais, mais c'est ça. Clairement, c'est que l'an prochain, là, t'as Radulov. Écoute, t'aurais ton premier trio signé. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, sauf que quand même, ça me dérangerait pas, là, de donner 7 à 8 millions à Tavares. OK, on fait le calcul. OK, juste pour le fun, là. Là, j'écris là, sur mon tableur, là, Galchenyuk. Est-ce qu'on m'entend taper? Ouais, quand même. Radulov, ouais. Et Tavares. Bon. On parle d'une augmentation de salaire de combien, là? Tavares est à 5,5. Il passerait facile à 8. Donc, on parle d'une augmentation de 3,5. À Montréal, 8,59, mettons. Mettons 9 parce que Montréal. On va jouer safe. Radulov. C'est facile. 6,5. OK, 6,5. Galchenyuk. Même chose. 6,5. OK, mettons, là. Fait que là, c'est sûr que s'il finit avec 35 buts, il va peut-être en demander plus. Ouais. OK, fait que là, t'es à 13 plus 9, ça donne 22. T'es à 22 millions sur la masse salariale. Le Canadien de Montréal, l'été prochain, a 49 millions disponibles sur la masse salariale. Ça se fait? Non? Je sors une calculatrice. Et on... Mais Barkov, à la fin de l'année, tu leur signes pas? 49,8 plus, on a dit 22 millions? Ouais. Ça donne 71,8. Tu fites sur le plafond. Bon, tu vois? On fite sur le plafond! Yeah! Fait que je viens de créer un rêve là, en ce moment. Sauf que là-dessus. Bon, ça y est. Sauf ça que y est. T'as pas beau lieu de signer, puis Flynn non plus. On beau sent... lieu, là. Tu le donnes dans le trade avec Patchery. Et c'est fini là. Tu sais, beau lieu en ce plus. Non, mais en même temps, beau lieu, tu peux t'en débarrasser parce que Sergachev va clairement monter dans les prochaines. Pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. OK, là, moi, je suis prêt à rêver à Tavares, mais là, wow, Sergachev. Wow! Hey, je m'excuse, là, mais je dis Beaulieu a plafonné, là. On dirait qu'il est plus capable de rien faire. Sergachev va juste s'améliorer, là. Hey, je te niaise parce que je trouve ça drôle de faire comme oh, Tavares, c'est plausible, mais Sergachev à Montréal. Wow! Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, là, ça serait tout un changement, là, dans le Canadien. Puis ça serait. Ah, je suis en train de me faire rêver encore. Moi, on vous dit que je suis pas fin. Mais ça fit au niveau comptable. Puis. Ouais. Là, on est très, très conservateur sur le salaire de Galchenyuk. Puis on est, disons, pour Tavares, mettons c'est un gros, gros contrat. Probablement qu'aujourd'hui, dans la Ligue nationale, il y aurait, dans la vraie valeur de la Ligue, il y aurait probablement 7,5, 8. Ça ressemble à ça, là, les joueurs de son club. Mais en même temps, moi, John, John Tavares. Mon Dieu, un blanc, son prénom. Mais... Tavares, pour vrai, c'est le genre de joueur que tu signes, là, 6 ans. Là, c'est un gars-là. T'aurais deux capitaines dans la même équipe. Ah, oh, ben, regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Si t'échanges Patchery, tu donnes le ça à Weber, tu donnes un à Tavares, t'as tout de suite. Je veux dire. Faut que tu fasses un changement de garde sur le leadership de l'équipe. Là, ouais. Carrément. Là. Parce que Patchery, capitaine, je veux dire, ça marche pas, pantoute. Okay. Ça marche pas! Mettons qu'on continue à rêver, là. Je le sais là que je vais faire capoter du monde là. Mais mettons qu'on met Weber sur le marché. On est capable d'aller chercher qui en trade? Je veux un défenseur de très bon calibre, mais qui coûte moins cher. Comme ça, moins cher? C'est chez Weber! Ah non, mais faut de la place sur la masse salariale, parce que si t'as un blessé, check cette année, tu regardes nos niveaux comptables pour être capable de faire une trade, t'es pas capable. Ça te on prend... va chercher Piqué sous le banc. Non, pour vrai, ben, je pense que Nashville le ferait. Ouais, je pense que moi aussi. Parce que là, que ça sort place. Parce que là, tu sais, je veux bien que Markov, on leur signe pas. Ça, c'est correct. Mais si t'enlèves Beaulieu et Markov, il te manque deux défenseurs. Là. Fait que chez Weber, tu peux aller chercher deux très bons défenseurs pour compenser. Ouais, mais. Je te dis tout de suite, moi, chez Weber, je le change pas. Okay. Mais, ben, en même temps, c'est parce que j'ai pas la liste, j'ai pas checké. Il y a sûrement des défenseurs qui viennent quand même. Qui sont agents libres à la fin de l'année qui peuvent être intéressants. Pas Carl Alsner, parce que 6 millions pour ça, je donnerais jamais ça. Mais, faudrait que je me trouve une liste, là, à un moment donné, là. J'ai pas ça là. Mais, je sais pas pour rire. Mais tu sais, je pense à, mettons, Olivier Ekman-Larsen en Arizona. Je sais que niveau comptable, là, le contrat de Weber fitterait pas avec eux autres, mais tu sais, on s'entend, le gars donne à peu près le même calibre de hockey que Weber, mais il coûte 3 millions de moins sans masse. Ouais, puis il y a 12 points aussi, moins 3. Là, ouais, tu vas me dire qu'il joue en Arizona. Check le club, là. Ouais, ouais, mais je m'en fous. Ben, non, faut pas que tu t'en foutes, là. Ben, je sais pas, pour vrai. Je dis pas que je l'haïs. Je dis juste que moi, personnellement, pas sûr. Je sais que t'aimes Ekman-Larsson. T'en parles depuis la saison 1 de la POC. Avant qu'il soit sur le radar de tout le monde, moi, j'en parlais. Ouais, mais non, pour vrai, je sais pas, mais. Un Pietrangelo? Je vois pas pourquoi que les Blues le feraient, là, mais peux-tu vraiment me dire sincèrement que Pietrangelo est moins bon que chez Weber tant que ça? Là? Ouais, il joue avec les Blues de Saint-Louis, un club qui est assez fort. Il a 5-9-14, il a 5 buts, 9 passes pour 14 points, puis il est à moins 11. Avec les Blues, c'est quand même une équipe personnellement qui est plus forte que le Canadien. Fait que, oui, qui n'ont pas de Carey Price, ça, je te l'accorde. Ben, c'est Jake Allen, le numéro 1. Là. Autant je l'aime puis qu'il y a un bon potentiel que... C'est pas Carey Price. C'est ça. Non, ça je comprends, mais quand même. Je veux dire... moi, j'aime mieux un dev défensif de la trempe de Shea Weber. Écoute, c'est pas compliqué. Il est à plus 17. Il domine la ligue chez les défenseurs. Le plus proche, c'est plus 13 de Ryan Suter. Moi, ça dit tout, pour vrai. Ça dit absolument tout. C'est personnellement, chez Weber, c'est le défenseur de la Ligue nationale. Tu sais, oui, mettons Brent Burns qui fait. Il est vraiment plus offensif. Carson aussi qui est super offensif. Mais pour moi, chez Weber, je l'ai dit, réécoutez la saison 1 de la POC si vous voulez. Chez Weber est le prototype parfait du défenseur numéro 1 dans toutes les équipes de la Ligue nationale. Je comprends ton point de vue de si on l'échangerait. Mais non, mais moi, je continuais la discussion pour au niveau salarial. Le Canadien le fera pas, là. Mais en même temps, avant d'être dans le trouble parce qu'il va être payé plus cher que ce qu'il vaut vraiment, faudrait peut-être y penser aussi, là. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu me dis, je peux aller me chercher, mettons, un Shane Gauthier-Bauer. Mec, qui a été benché. Il était retourné dans les estrades cette année. Je sais. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas ou la peu importe. La deuxième année, là, ça arrive. Mais tu sais, ouais, mais il est quand même 13 points. Oh, oui, non, je sais. Pas, mais tu sais, il fait juste penser à Edmund. C'était long avant qu'il ait clos, là. Mais ça fait deux ans qu'il est dans l'élite de la Ligue nationale, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis loin de jeter l'éponge, loin de là avec Gauthier-Bauer, mais, tu sais, c'est à prendre en ligne de compte aussi que ça se peut que pendant une couple d'années, il t'en donne pas au niveau que t'espères qu'il va se rendre. Mais la question, c'est vraiment au niveau salarial. Éventuellement, chez Weber, va t'en donner moins que ce qui est payé. Fait que, d'ici ce temps-là, pourquoi pas prévoir et aller se rajeunir à cette position-là, puis te donner de la marge de manœuvre, parce que... Si, ouais, non, mais je suis d'accord. Parce que là, t'as fait un tour de magie avec Tavares, mais il nous manque deux défenseurs pour avoir une brigade complète. Là. C'est aucun problème rendu là. Weber, tu vas chercher Gottisbeer et Provorov avec les Flyers de Philadelphie. Tu te rajeunis en maudit. C'est deux defs qui sont quand même assez solides. Provorov, c'est sûr qu'il est super jeune, mais à date, il marche très bien. Puis Gottisbeer, moi, révélation de l'année passée, je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais je suis pas mal sûr que ça va se replacer. Moi, c'est ce que je ferais pour le potentiel des deux défenseurs, la stabilité qu'ils pourraient apporter. Les deux sont quand même offensifs. C'est ça. Sinon. Moi, j'aime ça. Puis en même temps, je veux dire, Krim, c'est quand même chez Weber. Il voulait là, les Flyers en même temps. Uh-huh. Ben, c'est à cause de lui le contrat qu'il a. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais c'est sûr qu'ils le feront pas. Je veux dire, sont un peu caves. Gottisbeer, Provorov, c'est ton futur à défensive pour les Flyers. Ah non, on est dans un monde rempli de magie. Puis de... Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que Tavares, je le crois plus. C'est Gard Snow le DG. Ouais. Ça a pris une fraction de seconde avant que je fasse comme. Ben oui, toi. Ouais, c'est ça. Hein? Là, tu y crois plus. Comme ça se pourrait. Ah oui. Sinon, tu sais, encore là, gars, on est dans un conte de fées. Là, mais tu sais, genre Columbus, là, Seth Jones puis Ryan Murray. Ouais, ben Seth Jones, c'est le prochain Weber. Il était élevé avec Weber. Il dégage du chez Weber là, quand il joue. Pis... Non, je l'aime beaucoup, cette Jones, pour vrai. Là. C'est probablement aussi pour ça que Columbus sont vraiment meilleurs cette année. Pas juste à cause de lui. Je sais, Bobrovski fait de la magie des notes. Mais ils ont beaucoup plus de stabilité défensive. Ouais. Puis ça paraît. Puis c'est là aussi que tu vois que la défensive start ton jeu. Fait que, non, c'est. Ouais, non. Ben, c'est quand même très bien. Là. What? C'est un Seth Jones plus jeune. C'est un Shea Weber plus jeune, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Seth Jones ne peut pas être un Seth Jones plus jeune. Ouais, effectivement. Plus ou moins. Ouais. Fait que, bon, ben, OK, c'est fait. Tavares ici à Montréal. Vous l'aurez su ici avant tout le monde. Ça serait nice. Mais j'avoue que, tu mets les morceaux du cassette, puis, crème, si ça s'imbrique pas parfaitement, là... C'est pas loin là, tu limes un peu les bords puis ça s'organise. Mais tu sais, en même temps, mais imagine, on va lâcher le bout dans deux secondes. Là. Tu mets un Pacioretty, tu mets un Charles Ludon parce que justement, on va lui donner une chance ailleurs, puis tu mets un choix de deux, là, mettons, pour Tavares. C'est cher payé pour un joueur qui s'en vient à Jean Libre à la fin de l'année, mais c'est Tavares. Ben écoute, si t'es capable de jaser avec puis de savoir que il veut rester à Montréal, moi je pense que le trade est gagnant. Ouais, mais c'est parce que c'est le jeu en vaut la chandelle aussi. Là. C'est que. Tu sais, mes chums sur Facebook qui est pas content. Tous les fois que je dis ça, il est en tabarouette après moi. Mais moi, là, la saison de magie d'Umbergler des Sénateurs, là, la fin de saison magique pour se rendre en série et se faire démolir en playoff là, par le Canadien. J'ai trouvé que ça servait absolument à rien parce que oui, à court terme, tu génères des victoires, mais à long terme, ça les empêchait d'aller chercher potentiellement au repêchage McDavid. Imagine McDavid avec les Sénateurs d'Ottawa, on ne parle pas du même club. Alors, regarde Edmonton, on parle plus du même club. Non, ben c'est sûr. Tu sais, le jeu en vaut la chandelle. Pour un joueur de cette trempe-là, ça vaut la peine de prendre ce genre de risque-là, de laisser tomber une saison. Dans le cas de Tavares, ça vaut la peine de laisser tomber un choix de deuxième ronde, un Charles Ludon qui a un certain potentiel et un Pacioretty qui est un marqueur de 35 buts. Ça vaut la peine. Si tu signes avec Montréal puis que tu as des indices suffisants pour te laisser croire qu'il veut vraiment poursuivre à Montréal en long terme, ça vaut la chandelle. C'est un guess intéressant à prendre. Oh, mais ça va être, c'est John Tavares, là. C'est un franchise player. Là. Je dis, tu peux même pas. Un joueur de franchise comme ça, tu craches pas là-dessus. Il est jeune en plus, là. Il a 26 ans. Puis imagine, là, ce qu'on offre là, c'est. Tu sais, c'est tous des gars en bas de 30 ans, c'est des prospects. Tu sais, quitte à mettre un choix de première ronde, si les Canadiens vont pour la Coupe, là, le choix de première ronde, c'est un 30e. Là. On s'en sac, là. Non, c'est sûr. Mais si les Islanders, l'an passé, avaient mis Tavares sur le marché, imagine la valeur qu'il y aurait eu. Ouais. 25 ans, pleine éclosion offensive, le talent, tout. Là. Il y a un an de contrat encore. Tu sais, t'as le temps de l'habituer à ta nouvelle franchise. Les offres auraient été mirobolantes. Là, on trouve que c'est cher d'offrir Pacioretty un choix de deuxième puis Hudon. Mais c'est rien à ce qu'il aurait pu avoir, là. Vraiment pas. En même temps, ça fait très sûrement avec eux autres, les Islanders. Je veux dire, Pacioretty, son contrat finit en 2019. Hudon, c'est un jeune qui veut prendre sa place. Puis d'après moi, t'as de la place pour un Hudon là, là-bas. Là. Ça marche plus ou moins bien. Puis choix de deux, tu sais pas ce qui peut arriver. Là. Avec les jeunes comme Beauvillier qui poussent là-bas, tu sais, je veux dire, tout ce qui va te manquer, c'est un vrai goaler numéro un. Ouais. La défensive est quand même correcte, là. Je dis, c'est sûr qu'elle est vieillissante, mais ça va sûrement se placer aussi. Ils vont s'ajouter avec ça. En fait, la défensive, mais... à part Seidenberg puis Boychuk, qui ont en haut de 30 ans, les autres ont en bas de 27. Fait que, tu sais, c'est correct. C'est là. Quand même correct. Mais c'est sûr, mais ça va quand même vieillir en tant que tel, là, assez rapidement. Mais non, pour vrai. Mais les DG pensent pas à ça, tu sais. Un an d'avance, tu quadruples la valeur que tu peux avoir en échange. Ouais, ben, tu comme t'en parlais l'année passée pour Ben Bishop. Cette année, Ben Bishop, ça vaut rien, là. Probablement moins cher. Ça vaut, c'est... Ben, pas que ça vaut rien, là. C'est que l'équipe qui l'échange se dit « Hey, c'est un gardien de but numéro 1, je devrais avoir X prix, tu sais. » Mais les équipes le savent qu'il s'en vient agent libre. Puis le savent surtout que « Hey, c'est parce que t'as un autre gardien de but qu'on veut, que tu veux l'échanger. » Puis soit dit en passant, Martin Lemay qui dit « Ah, moi, je miserais sur Bishop. » What? Avec l'historique de blessure puis le salaire que tu lui donnes, au niveau comptable, ça fait aucun sens. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Là. Les autres équipes sont pas caves. Là. Ils savent que si tu offres Bishop, c'est parce que ben le kid en arrière, il doit être bon. Hein? Puis en fait, le kid en arrière, il est en train de devenir ton numéro 1. Ouais. Fait que t'as plus la même valeur. Là. Et où? Parlant de Max Pacioretty, là, il est encore avec le Canadien, là, faut qu'on va en parler en tant que membre du Canadien de Montréal. Hier, contre les Kings de Los Angeles, il a marqué deux buts. Deux buts en étant sur le trio de Galchenyuk et de Radulov. Il en manque un à cette heure, là, on s'entend. Mais est-ce que c'est le début là, d'un réveil offensif pour Pacioretty? D'ailleurs, il s'est permis des pointes envers Michel Therrien en point de presse après la game. On m'a donné une mission offensive, fait que j'ai produit offensivement. Une belle pointe, j'aimais ça. La question, donc, c'est est-ce que c'est un vrai réveil offensif ou c'est rien qu'une ballonne encore puis il va aller se recoucher tout de suite après? Ben, c'est une game, en partant. Là, je dis, pas le poil des jambes qu'elle veut bien raide. Là, je veux dire, s'il fait ça l'autre game d'après, l'autre d'après, je dis, ouais, tabarouette, ça marche, tu sais. Tu sais, oui, il a scoré deux buts, il y a une passe aussi. Mais tu sais, j'ai le feeling que c'est juste Radulov. Tu sais, comme je dis, quand il est une bougie d'allumage, ben, j'ai juste l'impression que starter Pacioretty, tu sais, pour juste savoir s'il va étouffer avant, tu sais. Mais je sais pas. C'est... Mais là, en même temps, s'il perd Galchenyuk sur le trio, ça va-tu jouer aussi ses performances d'eux? Ou à moins qu'ils vont faire, bon, mais ben, let's go, Galchenyuk est pas là, c'est Pacioretty et Radulov, c'est le nouveau duo, tu sais. Mais on s'entend-tu que c'est pas normal de se demander si c'est une balloune dans le cas de Pacioretty? Non, vraiment pas. Vraiment pas, mais c'est parce que aussi il est pas convaincant depuis le début de la saison. Il n'y a pas autant de hargne, il n'y a pas le... Parce que les points sont similés là, là. Ouais, ouais, les points, c'est justement, sont là. Puis c'est ce qui fait un peu fausser. Tu sais, genre, on chiale sur Pacioretty, mais il y a des points pareils. Hein. Je veux dire, il y a 18 points, 7 buts. C'est pas n'importe quoi, mais c'est pas assez. Mais en même temps, comme j'en ai parlé dans le dernier show, Pacioretty était tout le temps le genre de joueur où sa saison commençait pas très vite, puis ça finit plus fort, tu sais. Fait que, est-ce que c'est la même affaire? Est-ce que c'est un joueur qui va nous habituer à des performances comme ça? Il va falloir s'habituer puis arrêter de chialer sur lui en début d'année? Peut-être. Fait que, c'est tout des trucs à prendre en compte, mais je pense pas que là, le réveil est fait nécessairement. Regarde, le prochain match, là, il va peut-être avoir zéro point. Le monde va commencer à chialer. Je pense que ça passe quand même sur le premier trio, mais... Ben là, par défaut, là. Ben, ouais, d'un sens, là, mais c'est quand même un score de 35 buts. Je veux dire, c'est un premier trio. Là. Oui, c'est par défaut, mais en même temps, il est gauche. À part les Conan... Il n'y a rien pour prendre sa place. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Ben moi, j'aimais ça. Tu sais, Lekkonen, Galchenyuk puis Radulov ensemble, mais là, ça ne pourra pas arriver. Non, c'est super intéressant. C'est pour ça que je te dis que le top 6, les joueurs peuvent vraiment s'interchanger. Ouais. Mais tu sais, comme je ne verrais pas un... Tu sais, un chat, mettons, c'est le top 6 moyen. Là. C'est sûr que dernièrement, il s'est réveillé. Là. On commence à voir un peu plus le Andrew Shaw de Chicago. Ce qui est intéressant, mais c'est pas un top 6. Tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est cher payé pour un top 9, là, mais quand même. Non, c'est ça. Cette semaine, Enrico Ciccone et Michel Langevin à 10h le matin au 91.9. On parlait de l'état de la situation chez le Canadien de Montréal en termes de temps de glace. Puis avec Martin Lemay de Radio-Canada Martin Leclerc, excusez, j'ai dit Lemay, mais c'est Leclerc, qui est allé jaser avec eux autres. Puis semblerait-il qu'il y a de la grogne dans la chambre parce que Plekanec a trop de temps de jeu. Juste pour vous mettre en contexte, là, dans le top, les quatre premiers, c'est des défenseurs, ce qui est normal, tous au-dessus de 20 minutes. Après ça, on tombe avec des attaquants. On a Pacioretty à 18-5, Plekanec à 17-10. Et après ça, ben, on tombe à Radulov et Galchenyuk qui sont à 16-10 et 16-13. C'est pas normal. Vu la production offensive, non. Vraiment pas. Vu les performances défensives maintenant même de Plekanec, non. La question que moi je me pose, puis je t'en ai déjà parlé précédemment cette saison. Moi je pense, puis heureusement que les résultats sont là, pour Michel Therrien, mais je pense sincèrement qu'il coach pour ne pas perdre sa job. Il coach pour avoir les vétérans, ceux qui ont du poids auprès de la direction, auprès de Marc Bergevin. Il coach pour pas se les mettre à dos. Puis quand même que les jeunes chialent, c'est censé être des jeunes, sont censés avoir des choses à prouver, puis ils sont pas censés chialer. Fait que j'ai vraiment l'impression que coach Therrien dirige cette équipe-là en fonction de conserver sa job. Heureusement, on réussit à s'en sortir avec des résultats positifs jusqu'à maintenant, mais même dans une situation négative, il y aurait plus de vie au compteur que à l'époque quand il était avec les Pingouins, où est-ce qu'il se permettait de faire ce même genre d'affaires-là, puis qu'il a réussi à perdre sa chambre parce que Sidney Crosby était un des jeunes qui se faisait couper son temps de glace par coach Therrien à la faveur des attaquants défensifs vétérans de l'équipe. Oh, mais en même temps, tu sais, Bergevin, il est pas câble. Je veux dire, ton futur, c'est tes jeunes joueurs. Là. Je veux bien beau que les vétérans chialent, mais Plekanec n'a aucun argument en ce moment. Là. Je veux dire, moi, personnellement, avec Therrien, je regarde. Là. Je veux bien t'aider, le grand. Bien beau que t'es un vétéran. Là. Mais si t'as 8 points en 25 games, je sais pas combien il y a de points, j'ai pas regardé, mais ça doit être proche de ça. Tu sais, il a scoré un but, puis en plus, comme tu dis, il y a aucun résultat défensif. Il y a des jeux d'un dernier match, là, en infériorité numérique, c'est carrément à cause de lui qu'on a perdu la rondelle, puis qu'on s'est fait scorer. Là. Je veux dire, Plekanec a aucun argument. Ben beau qu'ils veulent coacher, garder sa job, puis pas faire chier les vétérans. Là. Je m'excuse, là. Mais en même temps, qui c'est qui peut le mettre dehors? C'est Bergevin. Bergevin, il doit pas être 100% en câble. Il doit le voir que ses vétérans ne font pas la job. Là. Ouais. Le seul vétéran qui marche pas vraiment intense en ce moment, c'est Plekanec. Fait qu'il n'y a rien à dire. Moi, Plekanec, je m'excuse. Là, mais je le mettrais ça à 3 et ça à 4. Puis ça chiale encore, ben beau. Va chialer en haut, va manger des hot dogs, tu regarderas la games. Ben, la journée où est-ce que Plekanec va être envoyé dans les estrades, c'est fini. Ça va être lourd, là. Ben, c'est fini. Puis en même temps, c'est parce que c'est pas lui qui dirige le club. C'est bien beau, le vétéran, hein, mais à un moment donné, Galchenyuk, Radulov... Radulov est un petit peu plus vieux, là, mais je veux dire, c'est les jeunes qui prennent la place de plus en plus. Là. Mm-hmm. Puis je regarde, tu sais, une des affaires qu'on dit tout le temps, « Ah, c'est pour les mises en jeu. » Oui, Galchenyuk est à 39,5% de réussite, mais Plekanec est à 49,8%. Puis en avant de lui, t'as Dano qui est à 50,7, puis t'as Torrey Mitchell qui est à 52,4. Il fallait prendre Torrey Mitchell, les mises en jeu à la place de Plekanec. Exact. Si le but après ça, c'est pour des missions défensives, ben vas-y avec Mitchell, tant qu'à ça. De toute façon, là, j'arrête pas de le répéter, là, mais Galchenyuk, là, s'il est moins bon à mise au jeu, mets les dons, c'est à la patinoire. Si, à un moment donné, il va donner bon à force d'en prendre. T'as juste moi qui pense de même. Non, non, mais ça sonne bien à mes oreilles. À la limite, là, mais l'offensive de plus en plus, laisse la défensive à Mitchell, à Spekanek, tu dis, ben, je m'excuse, le grand, mais que tu fasses de quoi, me mettre à la glace. Ah, Spekanek, je suis plus capable. J'ai étudié au début de show, je suis plus capable. Plus capable. D'ailleurs, je regarde le nombre de points qu'il a de générer jusqu'à maintenant. Il est à 7 points, ce qui lui donne le 12e rang du Canadien de Montréal. C'est pas normal qu'après 25 games, c'est juste ça. Hein. 7 points, il est à combien? Moins 2, genre? Jusqu'à maintenant, Plekanec est à 0 dans les plus et moins. Au moins, il est à 0. Ouais. Mais c'est pas normal. Mais tu sais, Galchenyuk est à plus 9, Radulov plus 4, mais tu sais, ils sont dangereux en défensive, ça a l'air. Ouais. C'est bon, c'est nous autres qui comprend pas la game. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Est-ce que tu me permets de faire un petit peu de média bashing? Toujours. OK. Cette semaine, l'audio, la vidéo, name it comme tu le veux, mémorable est sortie de l'histoire de la couverture médiatique du Canadien de Montréal. À l'émission, ça s'appelle La Voix du B. Renaud Lavoie nous demande, dans le plus grand sérieux de l'humanité, à son collègue Danny Dubé, « Ouais, Paul Byron, peux-tu comparer ça à des grands joueurs comme Sidney Crosby? » Juste là, c'est pathétique, level 1000. Mais c'est de voir la face de Danny Dubé qui fait comme « Man, dans quoi je me suis embarqué? Pourquoi j'ai mis mon nom au bas de ce contrat-là? Est-ce que tout l'argent du monde vaut vraiment ce gars-là de devoir le côtoyer? » Et je pense que la réponse, c'est non. Ah non, c'est... Mais la réaction de Danny Dubé était vraiment, vraiment épique. Là. C'était vraiment un « Ben non, là. » Comme... Même lui, il a sûrement, il doit avoir un défaut dans mes oreillettes parce que j'ai pas bien compris. Ça a griché, j'ai entendu Byron. Ah ouais. Ouais. C'est non, ça que t'as dit. On a tous eu le même facepalm. Ben ok. Quand c'est arrivé, là, je dis, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Pis ça nuit là à un point tel à la crédibilité déjà pas grande de Renaud Lavoie là. Ah, j'ai un peu mal. Ben ok. Mais moi, c'est la chronique de l'insider. Il est zéro crédible. Sur Twitter, la seule affaire qui d'avance peut-être un peu ses autres, là, c'est les joueurs mis au ballottage. Mais c'est parce que les autres, ils s'en sacquent de couvrir ça. Ouais. C'est là où qu'il y a des retweets puis que... Il est en avance ses autres, mais c'est parce que on s'en fout, là. Renaud, je lève mon verre à ta santé. Ah. Autre média bashing. Tu sais comment est-ce que je suis un amateur de l'émission On Jase propulsée par RDS. Et l'animateur Martin Lemay, normalement, est censé avoir, je pense que c'est une fois par mois, l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher, qui l'an passé, quand il n'était pas sous contrat, donnait des entretiens, mais là, magique. En tout cas, ce gars-là comprend la game à un autre niveau. Pis ça paraît, les Sénateurs ont une super bonne saison, malgré qu'il manque le tiers de leur top 6. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. Les 6 premiers attaquants, là, normalement, là, tu sais, Hoffman est censé être là. Blessé, ça n'a juste pas de bon sens et pourtant il réussit à les faire gagner. Et donc, la semaine passée, c'était censé être le tour de recevoir le coach. Puis là, ça marche pas. Puis là, ben, on jase, ils sont censés se déplacer à Ottawa pour aller pour le match contre, je pense que c'est Nashville qui était de passage cette semaine-là à Ottawa, donc les Sénateurs contre les Prédateurs, puis donc émission là-bas. Ils ont fini par avoir le coach. Et Martin Lamy, toute la semaine, quand il disait « Oh, on est censé avoir Guy Boucher, mais pas capable, l'équipe de PR décidé qu'il nous le donnait pas, là, pas capable d'avoir le coach. » Là, Martin, je te pose une petite question. Là. Combien de fois t'as essayé d'avoir un joueur du Canadien de Montréal ou un coach ou le DG? Combien de fois? Et combien de fois tu t'es fait dire non? Parce que si tu chiales sur les Sénateurs d'Ottawa pour une occasion, peut-être deux, où est-ce que tu n'as pas pu avoir le coach, j'espère que tu as fait au moins plus qu'une ou deux demandes pour avoir des éléments du Canadien de Montréal. Puis si c'est pas le cas, gros manque, hein, parce que c'est ça que ton show est censé couvrir. Puis si tu as eu des noms, puis si tu as une certaine neutralité journalistique comme tu prétends l'avoir, parce que on jase. Comment ça que tu bâches pas sur l'équipe de PR du Canadien de Montréal? Comment ça que t'es pas en train de dire « Ouais, pas capable d'avoir le coach? Pas capable? Ah, on a voulu avoir Gershenok? Pas capable? On a voulu parler avec Dernier? Pas capable? Équipe de PR? Communication? » Non, j'ai jamais entendu ça. Jamais. C'est drôle, hein? En tout cas... La mafia... T'as quoi rajouter là-dessus, mon Jerry? T'as tout dit, je pense. Pour vrai. J'écoute pas vraiment en jase. Je devrais, juste pour le segment Gaston Therrien. Ben, c'est magique. Une fois de temps en temps, il nous sort une perle. Là. J'essaie de les prendre en note pour les ramener sur le show. Là, pis... C'était-tu là, la perle? Non, moi, Sergachev, Tavares. Non, je garde Sergachev. Ben oui, c'était en jase. Ah ouais? Ouais, non, c'était... Écoute, moi, j'étais... Je suis en train de travailler sur mes affaires d'université, je suis à la cafétéria, puis je pense que à ce moment-là, là, involontairement, j'ai lâché un sacre à haute voix. Tout le monde s'est reviré vers moi, m'a regardé avec stupéfaction, genre j'avais l'air d'être probablement le weirdo de la place. Là. T'étais le Danny Dubé de la place. Là. Mes yeux parlaient. Là. Mes yeux ont roulé dans mes orbites comme jamais. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est que... Bon. Tu me décolles ce question, ciboire, je pensais m'en sauver. Bon, je reviens sur cette déclaration-là. Lui, il fait pas Tavares Sergachev. C'est une opinion de marde, on s'entend. Là. Mais moi, ce qui me fait encore plus capoter, là, c'est que à la fin de la dernière saison, puis à la date limite des transactions, notre cher Gaston Therrien nous dit « Le premier choix du Canadien de Montréal, échangez-les, allez chercher un vétéran. » Puis là, 4 mois après, il fait comme « Non. Moi, top 5 centre de la Ligue nationale, je ne l'échange pas contre le prospect du Canadien de Montréal. Un défenseur qui n'a même pas fait le club à 18 ans. » Il va peut-être éventuellement être bon, là. Mais bon, Day One, là, ciboire. Tu peux pas croire. C'est pas avec Vlad. Ben... Avec Vlad Tavares, c'est comme « Ouais, j'ai un def 18 qui joue dans la ligue, il est solide, il va être encore plus solide avec le temps. » Tu y penses un peu plus. Sergachev, Tavares, il me semble que moi... Mais c'est que à cette heure que le choix, il y a un visage, puis qu'il appartient vraiment aux Canadiens, là, oh, magiquement, il y a une valeur incommensurable. Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, quand tu es censé être analyste du Canadien de Montréal, puis tu dis, moi, je changerais le premier choix contre X vétéran, là. Puis son nom, là, un des gars qui disait beaucoup, là, c'est Andrew Ladd. Il voyait dans sa soeur, Andrew Ladd. Hey, faudrait aller chercher Andrew Ladd. Ça, c'est un bon vétéran. Hey, un joueur de centre, là, capable de la mettre dedans. Check ce qui est rendu Andrew Ladd à cette heure. Il est quoi, il a 5 points en 26 games. Ouais, puis il est signé pour combien d'années? 7 ans, 7 millions. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais Andrew Ladd, là, premier choix, j'aurais fait ça, moi. Tout de suite. Là, c'est en bas, tout de suite. Moi, j'appellerais Gartino, tout de suite. Mais aujourd'hui, Sergachev a une face. Il a mis le jersey du Canadien de Montréal. On a vu comment ce qui était bon. Puis là, plus capable de le changer. Pas contre Andrew Ladd, là. Contre John fucking Tavares. Tu me niaises-tu, là? Comment tu peux te prétendre sérieux pis virer tes bobettes de même du jour au lendemain? Moi, ça m'épate. Gaston Therrien. Non, mais c'est d'avoir le culot de faire ça. Comme si personne s'en rendrait compte parce que t'es censé être au-dessus de la mêlée, tu sais. À un point tel que tu peux dire à peu près n'importe quoi, les idiots qui t'écoutent sont pas censés s'en rendre compte. C'est pas vrai, là. Pas vrai qu'on est tous des idiots, là, pis ça passe dans le beurre. Arrêtez de nous prendre pour des caves. C'est symptomatique des médias. C'est pas pour rien que Renaud Lavoie a une job encore à TVA Sport. C'est pas pour rien que Gaston était RDS. C'est pas pour rien que tout ce beau monde-là ça travaille des médias, c'est qu'il y a un nivellement par le bas, puis on considère les gens qui suivent le Canadien comme des idiots, là. J'écoutais un reportage pour aujourd'hui, là, qui devrait prendre la place, puis c'était Benoît Brunet puis Gaston Therrien. Hey, le festival du QI, toi. C'était beau à voir. Ah! Écoute, moi, tout ce qui me manquait pour être 100% satisfait, c'est Benoît Brunet qui dit « Ouais, mais tu sais, David Gardet, il bouge bien ses pieds. » Moi, c'est tout ce qui me manquait. La série sur le Sunday, ça aurait été ça. Benoît Brunet. Ah, Gaston, Renaud. Limite, là. Écoute, TVA Sport est plein là, de genre de monde-là. Là. Pierre Ness aussi, là. Tu sais, ça commence. Mais c'est parce que la plupart des gens super compétents, ils sont sacrés ailleurs. Ah oh, ouais, ils sont en arrière de la caméra par rapport, ils font des recherches pour eux autres. Puis. Ouais. Tu sais, l'an passé, il y avait. Comment est-ce qu'il s'appelait? Un gars de statistiques avancées qui venait dans le show de On Jase. Il venait une fois deux semaines, on lui donnait 5 minutes. C'était le gars le plus intéressant de la game pour nous montrer des facettes du jeu puis de comment est-ce qu'il excelle ou il excelle pas puis pourquoi tel joueur fait telle affaire et comment combiner des éléments. Il était tellement bon que RDS ne le mettait pas en onde. Tellement mauvais que le Canadien l'a embauché. C'est drôle, hein? Mmh. Bon, c'était d'autres choses à me jaser, Jerry. Je reprendrai mon souffle. Je suis brûlé. Ben, on a eu le voyage dans l'Ouest. Ouais. Qui est-tu fini ou il est pas encore fini? Non, on va à Saint-Louis. Là. Mais ouais. Bref, c'est sur le bord de se finir. Puis, voyage dans l'Ouest rime avec des games à 10 et 10h30. Je sais que tu as posé la question sur notre page Facebook, mais je voulais t'entendre de vive voix. As-tu regardé les games? À part celle de dimanche, parce qu'elle est à 3h l'après-midi. Mais. J'ai-tu regardé les games? Je pense que j'ai écouté comme un tiers de la première période, le match contre San Jose. Puis après ça, ben, tu vas te coucher. Ben parce que c'est ça, là. À cette heure-là, il est tard. Mais tu sais, c'est parce que. Je veux pas te décevoir, Jerry, mais. C'est comme les lois physiques de la nature, là. La terre tourne, puis le soleil, il arrive pas en même temps, à la même place. Fait que tu peux pas être à la même heure, parce qu'il est pas à la même heure, tu sais. Fait que c'est totalement compliqué, d'accord. Là. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'on s'en sacre finalement dans l'Ouest, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est tellement des games qui sont intéressantes. Parce que San José et Anaheim, on les voit pas souvent. C'est des gros clubs. Ouais. Puis, les games. Je joue très tard. Moi, personnellement, je les écoute pas. Il y a une game à Anaheim, un vendredi soir. Non, c'était San Jose. Un vendredi soir, je dis hey, je travaille pas le lendemain. Moi, l'écouter. Que j'ai fait, ben, je me sens endormi. Puis, je trouve ça plate. On élabore pas tant sur le sujet, mais je veux. T'avais une frustration, hein? Oui, effectivement. Là, la terre qui est ronde, là. Wow! Là, on aplate ça, on met tout ça égal partout. Ouais, c'est une place. Non, mais pour vrai, je voulais reposer la question aux auditeurs à savoir si eux, les games dans l'Ouest, ouais, on se couchaient plus tard pour les écouter. Ouais, on l'a mentionné, pas eu une grosse réponse. Là. D'ailleurs, je m'excuse, j'étais un peu moins actif cette semaine, fin de session, mais j'essaie de programmer des pauses d'avance, puis des fois, ça passe un peu tout douette, là, mais beaucoup de réactions sur la vidéo de Renaud Lavoie. Et Danny Dubé, très content. Sinon, Gaston Therrien qui est au temple de la renommée du hockey de la LHJMQ, je trouvais ça génial. Le monde a réagi pas mal. Fait que, non, c'est ça, j'essaie de mettre du contenu. Pardonnez-moi. Jerry, force-toi un peu aussi. Là. Toi aussi, il faut que t'en mettes. Je vais en mettre moi avec. Je me dis que tu gères ça de main de maître, je n'ai pas besoin de. Ouais. Je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais la vraie game se passe pas sur la glace. Tout est au niveau financier. Les équipes de hockey, c'est des business. Forbes a sorti son nouveau bilan pour l'année 2015. Et le Canadien de Montréal est toujours numéro 2 dans les valeurs à 1,12 milliards de dollars entre les Rangers premier à 1,25 et les Maple Leafs deuxième à 1,1, ouais, c'est ça. Donc, tes impressions là-dessus, mon Jerry? Est-ce que les billets sont assez chers? Ah, ben ouais. Je pense que oui. Mais moi, je tiens à rappeler l'investissement que Molson a mis là-dedans. Il a payé 565 millions, je pense. Ouais, bref, on va arrondir à 600 millions. Là. Un petit arrondissement de rien du tout. Et son club... Ah oui, 500 millions. 600 millions, ça, c'était le club hockey canadien plus le Centre Bell. Ouais. Et je crois qu'il y avait même Evenko dans cette transaction. Il me semble aussi, ouais. Donc là, tu es en train de me dire que le club hockey canadien... Juste le club. ...vaut 1,2 milliard. Ça, ça veut dire qu'il y a doublé ben, son investissement. En fait, c'est que quand tu regardes les livres comptables, Forbes se disent « OK, ça, ça vaut tant, ça, ça vaut tant, ça, ça... » Bon, OK. Sauf que la réalité est que la vraie valeur d'un club, c'est quand tu essaies de le vendre. Oh, non, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui 1,12 milliard pour le club? Je pense pas, pour la simple et unique raison que si tu es le nouveau propriétaire, faut que tu espères pouvoir générer de la croissance pour... ben que ton investissement vaille la peine là. Si ça stagne, ça vaut rien là. C'est que tu donnes une pièce, tu reçois une pièce, ça vaut pas la peine là, tu sais. Donc on est certain qu'on parle quand même du Canadien de Montréal, un club qui était presque tout vendu des billets l'année passée. Ouais. Avec une performance assez atroce en fin de saison. Mais est-ce que le Canadien de Montréal peut augmenter sa valeur? Oui. Comment tu fais ça? Ben qui ont juste à continuer ce qu'ils font là puis améliorer leur mouvement marketing, je sais pas vraiment. Qui t'engagent donc dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. C'est le côté blingue. J'aimerais bien. D'ailleurs, il y a un poste qui est passé, puis j'ai tellement dit à ma blonde, ça avait été sénateur, j'aurais appliqué, j'aurais fait main et monde pour que avoir la job. Mais oui, il y a la job de gestionnaire de réseaux sociaux qui est passé, puis ça m'a tellement démangé. Mais OK, on regarde ça là, économiquement. Est-ce que le marché cible du Canadien de Montréal peut grossir? Oui. Comment? Parce que le marché cible, c'est le Québécois francophone moyen. Tu sais, à moins qu'il y ait plus de francophones tout d'un coup, ça peut plus... Tu sais, la population québécoise peut pas vraiment grossir tout d'un coup rapidement, là. Fait que c'est pas non, mal stallié. Tu peux augmenter la valeur des billets, mais jusqu'à quel point les gens sont prêts à payer? C'est encore là, la limite est... Tu sais, c'est... D'après moi, il y a encore du lousse là-dedans. Ouais, dis-le pas trop fort, OK? Dis-le pas trop fort. Après ça, ben, faudrait que, OK, mettons, tu vends tes pubs plus cher. Ça, c'est une place où est-ce que tu peux ramasser de l'argent. Après ça, ben, les droits télévisuels. Le Canadien n'a pas de pouvoir de négociation là-dessus, vraiment. Elle peut négocier l'utilisation de son image, comme 24-7. Quand il y a des concessionnaires auto, des concours, des enfants comme ça, ils monnaient leur image. Mais les droits de télé, ce qui est la grosse partie payante de la patente, c'est pas eux autres qui négocient, fait qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle. Fait que, tu sais, la marge de manœuvre, il n'y en a pas tant que ça pour augmenter leur valeur. Fait que je pense pas que le Canadien, aujourd'hui, se vendrait à 1,12 milliard. Mais mettons autour de 700, 800 millions. Ouais. Ça ferait du sens pour un acheteur pour avoir une marge de manœuvre pour augmenter ses profits. Ça veut pas dire qu'à tous les années, il n'y a pas des retombées, là. Sauf que tu veux quand même que ce que tu achètes prenne en valeur. Si tu achètes à 1,12, je pense pas que l'an prochain, ça va être 1,60, genre. Non, mais c'est sûr, mais là, si on parle juste du club hockey canadien, là, si tu ajoutes le Centre Bell plus Evenko en plus, tu peux peut-être aller chercher un milliard. Ouais, peut-être. Peut-être. Tu sais, je veux dire, il y a de l'argent à faire en maudit avec ce club-là encore, là. Plus Evenko qui gère plein d'événements. Non, mais tu sais, des retombées économiques d'année en année, vu les opérations, oui, il y a du profit à avoir, là. Moi, ce que je te parle, c'est de la valeur du Canadien. Ouais, c'est sûr. Ouais, d'après moi, ils vont plafonner dans 1,4. Je pense pas qu'ils dépassent les Rangers parce que ça reste quand même le club fort de la Ligue. C'est les États-Unis aussi. Ouais. Je veux dire. Le marché étant ce qu'il est. Là. C'est ça. Mais tu sais, un des autres avantages pour le Canadien de Montréal, c'est que dans le public francophone de hockey, au Canada, c'est à peu près la seule équipe qui les rejoint. Il y a les sénateurs qui essayent un peu, d'ailleurs, ils essayent pas super bien, mais ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, c'est il y a ça là, comme avantage, c'est que ça vient ramasser une grosse population, même en dehors du Québec, là. Mais ça, c'est pas des retombées directement pour le Canadien de Montréal, vu que ces gens-là rarement peuvent se rendre dans l'aréna pour consommer le produit, là. Ouais. Ah, c'est sûr. Cool, ça a permis de jaser d'économie autrement, ça. Je pensais pas qu'on ferait aussi long ce sujet-là. Ah oui, autre nouvelle. Les votes pour le match des étoiles de la Ligue nationale est entamé. Et dans la liste des joueurs pour lesquels on peut voter, puisque la Ligue nationale a resserré sa manière de faire pour pas qu'on ait à nouveau John Scott qui puisse aller au match des étoiles. Et dans le bulletin de vote, Alex Galchenyuk et Alexander Radulov ne sont pas présents dessus. N'importe quoi! C'est n'importe quoi, pour eux. C'est... Plekanec qui est dedans, hein? Et bon, il faudrait que je vérifie. Mais je pense que oui, pour vrai. Puis, attends, toi aussi, on te donne le choix, là, juste ça comme ça, bien vite de même. Là. Mais si tu as voté entre, mettons, Galchenyuk, Radulov... OK, les quatre du Canadien, c'est Gallagher, Pacioretty, Price puis Weber. OK, au moins Plekanec n'est pas là. Ouais, au moins. Mais quand même, y a-t-il un maximum par équipe ou... Ouais, sont présélectionnés. Ah non, right in. Je sais pas, gâchez là qu'on peut dessus. Mais c'est parce qu'en tout cas, si c'est mettons, une sélection préfaite à l'interne, mettons, ouais, ben, ça va être mes 4 joueurs que je mets au match des étoiles. Je sais pas, man. Patrick, ok, peut-être, c'est le capitaine de l'équipe, ça passe, là, il y a 18 points, on chialera pas trop. Gallagher, oui, mais tu sais, je sais pas, c'est... Ça a pas l'air de fonctionner, le fait de rentrer le nom. Mais peut-être, non, là, mais juste de savoir que c'est pas dans la liste de base, là, c'est assez étrange. Non, c'est ben, totalement. Je dis, c'est comme tu l'as dit au début du show, c'est eux autres qui tirent le club offensivement. Là, 23 puis 21 points chaque. Mm-hmm. Je veux dire, drette là, ça paraît. Là, en tout cas. Je suis pas. Ben en fait, moi, là, en partant, là, le système de vote, là, j'ai un peu de misère avec ça. Même si t'instaures un genre de règlement pour pas avoir un John Scott, tu sais, à la limite, là, j'aimais quasiment mieux ça parce que ça donnait du fun à un gars qui avait pas la chance d'y aller, genre. Mais moi, je reviendrais carrément comme dans le temps, là. C'est les meilleurs joueurs de chaque équipe, là, au pire, deux de chaque, ou peu importe, là. Ouais. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que. C'est que la Ligue nationale décidait des gars, mais en fait, le fait encore, parce que c'est juste l'équipe starter là, qui est votée par les fans. Là. Mais ce que ça faisait, c'est que ben, pour avoir de la représentation dans chacun des marchés, il y avait des gars qui étaient les meilleurs de leur club, mais qui étaient loin d'être des étoiles qui se ramassaient là. Ben, qui se ramassent encore là, c'est encore comme ça, beaucoup. Là. Mais... Ben, au pays, c'est pas grave. Mettons, là, t'as 3 goalers à prendre dans l'Est. Là. Tu prends les 3 meilleurs goalers. Ouais. Point. On s'en fout de c'est quelle équipe. Après ça, là, ben, tu piges dans chaque équipe. Tu prends le meilleur attaquant et le meilleur défenseur, à la limite. Carrément. Tu fais le tour de chaque équipe. Tu vas être capable de remplir une équipe avec ça. Puis à la limite, après, tu feed avec les autres meilleurs joueurs en général. Là. Ben, c'est parce que ça ferait trop de monde invité. Non, mais mettons, là, dans l'Est, là, t'as 15 équipes. Non, t'as 14 équipes dans l'autre, t'en as 16. Bon. Fait qu'à la base, tu prends un goaler, ouais. T'as 3 goalers. Fait que tu piges 3 goalers dans l'Est, 3 goalers dans l'Ouest. On s'entend avec ça? Ouais. Après ça, t'as combien de spots à remplir? On s'entend-tu que c'est 20? 21? Ben non. Ouais. On s'entend, mettons, parce que oui, ça se peut qu'il y ait des blessés qui peuvent pas y aller ou peu importe. T'sais, tu te fais une liste quand même de 22 ou peu importe. T'sais. Puis, après ça, tu montes ton équipe. Là. Ça se fait quand même. À la limite, là, tu prends le melting pot de tous les meilleurs défenseurs de les 15 équipes d'un bord. Tu prends les 6 meilleurs. On se fout des équipes. Mm-hmm. Ou à la limite, t'en prends pas deux dans la même équipe, même si c'est les deux meilleurs. T'sais. Mettons, là, nous autres, on a Shea Weber et André Markov à 18 points. Mettons qu'ils tombent dans un pointage parce que c'est les meilleurs joueurs dans l'Est. Ben, à la limite, tu prends le meilleur des deux. Weber, ça, tu passes à une autre équipe. Tu y vas comme ça. puis dans les attaques, ça, il y a plus de chances d'avoir une couple de joueurs, c'est sûr que tu vas être capable. Tu sais, mettons que ton meilleur défenseur, c'est Shea Weber, ben, tu sautes pour l'attaque à Montréal, tu sais. Je sais pas si tu comprends, c'est pas super clair ce que je veux dire, mais t'essayes de prendre le meilleur joueur de chaque équipe, partout. Si tu remplis une équipe, puis tu finis les spots avec le reste. Écoute, ça se peut qu'il y ait juste un joueur à quelque part, ouais. Mais c'est pas grave, il va être là pareil, tu sais. Mm-hmm. C'est pas obligé d'en avoir quatre, je veux dire. Sinon, à la limite, il y a une équipe qui a quatre joueurs, c'est parce que ça change. Je sais pas, en tout cas. À la base, c'est un match des étoiles, un match qui finit 22-24. On s'en fout tellement. On est en train d'accorder beaucoup trop d'importance à cet événement-là en ce moment. Ben, c'est toi, moi, je t'ai laissé aller. Là. T'étais dans une envolée lyrique là, incroyable. Ouais. Là. Moi, j'aimais ça. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire la place pour un joueur de chaque équipe. Les meilleurs, de peu importe, on s'en fout. Puis tu te fais une équipe avec ça. Ah, sûrement. Ouais, limite, là. Mets les noms de tous les meilleurs joueurs, puis pige dans un boulier. Fais un boulier. C'est comme le draft. Moi, je veux là, qu'on revienne à la base du hockey. Là. Ah, les bâtons dans le milieu. Exactement. Tu mets un bâton, split ça, en vrai, tu sais. Ça serait solide. Un match extérieur. Le All-Star Game, on l'a dit dans saison 1, je crois. Le ouais. All-Star Game doit se faire à l'extérieur. Ouais, je pense. Un match aussi. Extérieur avec les bâtons dans le milieu. Oui, parce que sinon, la glace vient affecter le match, puis le match a quand même une valeur de points. Ouais, et puis. Hey, le monde que tu peux attirer dans un stade de football aux États-Unis, là. Ben oui. C'est assez intense. Tu peux même mettre deux glaces. Imagine que tu peux faire deux matchs en même temps. Wow. Tu peux même faire des matchs d'anciens All-Stars. Là. T'aimerais-tu ça, toi, voir ton Peter Forsberg en chandail de l'Ouest? Ben, qu'est? Bon, jouer contre un... J'ai pas de nom comme ça vite fait, là, mais... Même Patrick Roy, après avoir négocié... Hey, il y a du stock à faire avec ça. Là. Ben oui. Je comprends pourquoi on travaille pas pour le marketing de la Ligue nationale. Je le sais pas. On a juste ça, des bonnes idées. Mais pour vrai, c'est une méchante de bonne idée, puis j'aimerais ça en maudit que ça se fasse. Ben oui. Je pense que je vais écrire la Ligue nationale. Le pire, c'est que je me dis qu'ils ont probablement déjà pensé. Ouais, c'est peut-être question de... Ben en plus, en janvier, le match des étoiles, il peut pas me dire qu'il fait pas fret à quelque part aux États. Quelque part aux États... Ben, ils ont fait un match en plus super récemment, un match extérieur. Oui. Ils faisaient pas frette, mais il y en a ben trop. En fait, même Los Angeles fête leur 50e saison d'existence, puis ils font des glaces extérieures à LA juste pour le monde, pour le public. Puis, tu sais, il dit, c'était en entrevue, c'était. Robitaille, ouais. Qui disait, ben, tu sais, il fait 12. C'est la même température que dans l'aréna, là. Fait que c'est correct, là, tu sais, de la glace. Ouais. On la maintient avec la même technologie, puis ça fait la job, là. C'est pas sorcier, là. Puis aujourd'hui, tu sais, des condensateurs, ah ouais, là, tu mets une bâche au-dessus, puis pas que le soleil plombe, là. T'es correct. La vie est belle. Voyons donc. On veut un max extérieur pour l'All-Star. Puis moi, je veux, là, le retour absolument, là, ce genre d'événement-là, là, des puck trackers, là. Tu sais, là, que ça faisait un halo là, de lumière là, qui suivait le mouvement de la puck. Là. Dans certains marchés aux États-Unis, ils faisaient ça quand les équipes étaient implantées là, pour mieux suivre à la TV. Là. Moi, je veux le retour de cette technologie. Ça serait malade. Tu sais de quoi je parle? Ton silence est comme lourd. Ouais, non, c'est juste comme le puck tracker, la technologie du style au tennis. Là. Non, mais en fait, c'est que quand la... Attends un peu. Puck tracker. Je suis capable de fouiller ça. Je fais beaucoup trop de recherches sur... C'est quoi? C'est juste que ça fait comme une ligne à l'arrière de la rondelle? Ouais, ou... c'est ça. Ça fait un glow, là, en arrière de... En arrière de la rondelle. Puis, si je veux dire, on le voit juste à la télé, là. C'est pas le monde présent là-bas qui le voit. Ça serait malade si on pouvait faire ça, même pour les gens présents, mais non, c'est juste à la TV. Ça serait weird. Le hockey est assez rapide, ça ferait une coupe de ligne à terre, ça? Sûrement. Je serais étonné. Moi, je veux le retour de ça. Sinon, t'avais-tu d'autres choses, Jerry? Non, on a fait pas mal le tour en général. Non, il nous reste un sujet primordial. D'abord, ben vas-y. ça va être quelque chose. Je faisais mon retour sur le PKSubanTracker.com aujourd'hui. Pour vrai, là. En 24 matchs, Subban est à 6 buts, 10 passes, 16 points, moins 7. Weber, 25 games, 8, 10, 18, plus 17. Cet échange se resserre de plus en plus. Non, plus 17. tu me feras pas. Je te le dis, hein. Come on. On a le meilleur joueur dans l'échange. Come on. C'est nous qui avons gagné. Mais l'échange est bon pour Nashville aussi parce qu'il va faire vendre beaucoup de billets là-bas. Mais avoue que statistiquement, là, au plan offensif, ça se resserre, là. Ben, c'est le plan offensif, oui, mais en général, Nashville s'est replacé, fait que ça doit légèrement aider aussi. Ben oui. Je pense qu'il a commencé à trouver ses aises à Nashville. Le jeu est beaucoup plus fluide. Il y a une autre affaire aussi qu'il faut voir, c'est que c'est les points en avantage numérique qui sont quand même assez proches. C'est 10 pour Shea Weber. On a 7 pour Piqué-Souban. C'est sûr qu'au début, Shea Weber torche avec 7 buts en avantage numérique contre 3 pour Piqué-Souban. Si on élabore les statistiques au complet, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Mais tu sais, je fais juste regarder. Mettons, là, on parlait là, des buts, les buts pour le Canadien à 74. Nashville est à 71. Fait que ça, c'est bon, tu sais. C'est quand tu regardes les buts contre. Le Canadien est 6e avec 56. Nashville est 12e avec 66. Tu sais, ça paraît, là. René, là, et ça replace un peu, là. Mais début de saison, très difficile. Je pense que le moins est pas mal plus là dans le cas de Subban. C'est pourquoi je regardais le tracker, c'est que Nashville a une blessure, un joueur important, James Neal, qui est un des assistants au capitaine. Et cette semaine, pour le remplacer avec la lettre, ils ont nommé Subban. Puis, dans une nouvelle équipe, où est-ce que c'est un nouveau joueur, il n'y a pas le poids de, t'sais, des années puis le fait que par dépit, tu dois assumer le leadership d'un gars puis lui accorder ce leadership-là. Là, c'est un nouveau club et on lui reconnaît quand même un leadership malgré le peu de temps qu'il est là. Donc, je considère que ben c'est un pas dans la bonne voie pour Piqué-Souban. Semble faire les bonnes choses, même dans la chambre. Tu sais, il y a eu un meeting au début de la saison, puis je pense pas que c'était contre lui ou c'était visé particulièrement vers lui. Mais c'était depuis ce temps-là... C'était juste de l'équipe. Ouais, c'est ça. Depuis ce temps-là, ça va bien, là. Ah ouais, mais c'est, ils se sont regroupés, point. Ouais. À Nashville, ça a vraiment pas bien parti, pour vrai. Là. Puis moi, j'ai toujours vu Nashville comme un club élite dans un petit marché. Fait que je suis quand même content que ça se replace parce que moi Nashville pour moi c'est ça rime avec séries éliminatoires, je veux dire, c'est un gros club pareil, mais je pense qu'ils ont vraiment l'absence de Shea Weber en début de saison s'est peut-être fait beaucoup sentir. Le style de jeu est pas pareil, tu échanges un dev défensif pour un dev offensif, ça c'est clair que ça change de quoi. Mais tu sais, je regardais les commentaires un peu, là je fais comme ah ça, t'sais, ça va planter Subban puis tout, mais il y a Pauline Métivier qui dit après 23 matchs Nashville l'an passé, il était à 12 7 et 4 pour 28 points et cette année à 11 8 et 4 pour 26. Fait que tu sais, Subban ou Weber en début de saison, ça semble être pas mal la même affaire là. En tout cas dans leur historique des deux dernières saisons. Là. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est parce qu'on accorde juste beaucoup plus d'importance cette année à Nashville. Ouais, clairement. Parce que Piqué-Souban est là-bas. Je dis, c'est genre, à Montréal, t'as l'équipe la plus suivie, Montréal. Puis tout de suite après, t'as l'équipe Piqué-Souban. Parce que c'est tout le temps Piqué-Souban qui passe avant Nashville. Hey man, mais je regarde là, les commentaires, puis plus je descends, plus je vois de Pauline Métivier, puis à toutes les fois à Back-Souban. C'est une vraie trooper, c'est quasiment freak là. Ok, mais tout le temps là, c'est malade. Je pense qu'on vient de découvrir une nouvelle maladie mentale. Non, mais pour vrai, puis souvent c'est un bon défenseur. C'est pas parce qu'il est rendu à Nashville qu'on va le bâcher. Mais moi, je l'ai toujours dit, j'adore beaucoup. Tu regardes carrément, c'est mes deux défenseurs préférés qui ont été tradés, en fait. Oh oui, non, c'est ça. Je peux pas être plus heureux, mais j'ai toujours eu un penchant plus pour Shea Weber parce que c'est le prototype parfait du défenseur. Ah, Shea Weber. Ouais, mais Subban, c'est Subban. Subban, c'est Subban, effectivement. Ça, c'était mon argument que pas beaucoup attendu cette année parce qu'il est plus haut. Mais c'est vraiment plus pour le A que pour vraiment le resserrement des stats que je voulais amener ça. C'est de voir qu'on reconnaît quand même un leadership et un impact positif sur l'ensemble du club à Nashville parce qu'ils n'ont aucune obligation d'y donner à lui. Là. Il y a d'autres gars, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, puis on y a quand même donné à lui. Fait que moi, je vois ça comme étant un signe positif de l'intégration dans le groupe parce qu'on s'entend que le Canadien, l'échange, c'est pour ça. Là. C'est pas pour sur la glace. Là. Ça a juste donné une bonne excuse l'an passé. C'est le caractère qu'on a échangé. Puis c'est parfait. T'sais, Weber, j'ai pas de problème avec ça. C'est plus sur le long terme. Puis on n'est pas rendu là. On a une couple d'années avant de vraiment voir l'impact négatif de l'entente, le contrat de Weber puis de son âge. Bon, on n'est pas rendu là. On en reviendra dans une couple d'années sur la POC pour en jaser. Mais vraiment de voir qu'on accorde à Piquet Subban un impact positif à son club dans le leadership. Moi, je suis très content de voir que ce côté-là se place pour lui. Ouais, vraiment, moi tout. Ouais. C'est une bonne carrière pour Subban à Nashville, ça c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, je voyais, j'écoutais Martin Lemay encore une fois qui dit « Ah, moi, je serais pas surpris que d'ici la fin de son contrat, ben, tu sais, qu'il finisse pas son contrat à Nashville. » Mais en même temps, je serais pas surpris que Weber finisse pas son contrat à Montréal non plus. Là. Fait que c'est pas un argument pour moi, là. Vraiment pas, là. Qui aujourd'hui passe toute sa carrière dans un seul club, là? Qui? Y a personne, là. Plus dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ben non. À part Markov! Ben ça, c'est nice, par exemple. C'est le seul côté que je trouverais nice, c'est qu'il prenne sa retraite à Montréal. Ça serait probablement le dernier de sa génération. Peut-être, y a personne d'autre qui ferait ça, pour vrai, là. Mais tu sais, comme tu sais, je vois un gars comme, mettons, Stamkos, là. Faites un gros move de, tu sais, de signer à rabais pour rester. Puis rabais, c'est un bien grand mot, là, dans son cas, là. Je trouve qu'il est surpayé pour ce qu'il donne, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, de rester à Tampa, c'est un gros signe de loyauté. Est-ce que dans 10 ans, quand tu vas prendre sa retraite, il va être encore avec le club? Je sais pas, mais en tout cas, il démontre de la loyauté. Un Sidney Crosby est encore là. Tu sais, il y a certains gars que je me dis, ah, OK, ouais, eux autres, ils ont des potentiels de faire leur carrière, l'ensemble de leur carrière dans un club, mais c'est vrai que ça va être de plus en plus rare. Puis, tu sais, à part à l'époque des six clubs, là, puis ça voyageait en train, là, puis ça se mettait en shape dans les camps d'entraînement, là, ça fait longtemps que, tu sais, les gars passent plus leur carrière dans un seul club, là. Ça fait très longtemps, là. C'est des exceptions, là. C'est cool à voir, pardon. C'est je sais pas, c'est le fun, c'est cool, mais c'est un gage de qualité d'un joueur parce que éventuellement si on pense qu'il y a une meilleure option pour compenser un problème whatever puis que le gars il est pas assez bon pour justifier de le conserver, il va se faire trader, tu sais. Fait qu'il y a vraiment juste les joueurs élites dans leur équipe qui réussissent à passer là. Fait que tu sais, autant les joueurs sont des mercenaires qui offrent leurs services dans toutes les formations, autant que les équipes se débarrassent bien des gars quand ça fait leur affaire aussi. Là. Ouais, c'est sûr. T'sais, le poids, est, pour moi, c'est pas mal égal réparti des deux bords. Là. Ouais. Petite gorgée d'eau. Sur ce, ça fait le tour de nos sujets pour cette semaine. Un gros merci, Jerry, pour cette discussion moins enflammée, plus cérébrale. On a jasé des vraies affaires. Puis ben, ce fut encore une fois hyper plaisant de faire ça avec toi, mon Jerry. Si on veut te retrouver, on fait ça comment? Je peux faire ça sur internet parce que j'ai une présence sur Facebook. Donc Jerry Godbout m'écrit un petit message comme quoi vous me connaissez de hors-jeu. Habituellement j'accepte pas mal tout le monde quand vous parlez de hockey. Sinon, je suis aussi disponible sur Twitter @godbout25. Il y a aussi dans le fond d'autres projets. Les geeks sont parmi nous, un podcast où on parle de trucs geeks, BD, jeux vidéo, films, peu importe. C'est pas mal les endroits où vous pouvez me retrouver. Sinon, j'imagine que toi aussi, tu as une petite présence sur l'Internet. Ouais, beaucoup moins de ce temps-là, mais en tout cas, je fais mon possible. Sur Facebook, je vais gagner, même procédure. Indiquez-moi de la raison pour laquelle vous voulez devenir mon ami. Sinon, sur Twitter, @gangj_B. D'ailleurs, j'ai fait un tweet malade, beaucoup de rebonds hier. J'ai découvert quelque chose là qui me fait capoter. Puis, je pense, ouais, je peux le dire ici. On est en 2016, puis je trouve ça capoté de voir que le pharmacien avec son émission de vulgarisation scientifique est sur Explora, mais que la messe le dimanche matin est à Radio-Canada. Pensez-y. Et Là, les gens se disent « Ah, mais là, il doit être sur tout.tv. Mm-hmm, » Non! Il est sur la section extra, donc le bout payant de tout.tv, le format chien. Très dommage. Très, très dommage de la part de notre diffuseur national. Sinon, pour ce qui est de l'APOC, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lapoc.net. Vous pouvez aussi nous écouter via les différentes plateformes de podcasting, dont Radio H2O, RZO Web et bien sûr sportradio.ca, avec qui ben on vous invite à venir luncher trois fois dans la semaine suivant l'enregistrement. C'est toujours aussi cool. C'est pas mal ça pour les endroits pour nous écouter. Vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes. On vous invite à nous laisser des commentaires, des étoiles, c'est toujours extrêmement apprécié, et venez jaser avec nous sur les réseaux sociaux @lapocpodcast sur Twitter et aussi sur Facebook, cherchez lapocpodcast et venez jaser avec nous autres. C'est toujours aussi trippant de voir votre interaction, de voir que le fanbase, puis fan, c'est un bien grand mot, là, on est des amateurs de hockey avant tout, on se met vraiment pas sur un piédestal, et de voir ça grandir, on trouve ça vraiment malade, puis on essaie toujours de vous générer du contenu toujours aussi le fun, de s'améliorer, tu sais, de fois en fois. C'est vraiment notre objectif. Donc, merci à vous de suivre la POC dans cette belle aventure. Puis, ben, le but, c'est toujours de vous donner le meilleur show possible. Yes, merci, vous êtes magique. Yes. Sur ce, ben, on vous dit à la prochaine fois. Je vais partir vous dire la semaine prochaine, mais c'est tôt deux semaines. Fait que, en tout cas, next time, là, bonne day, là. Fait que, merci d'être du rendez-vous. Merci à tout le monde, Jerry, la populace, et on se dit à la prochaine fois. Bye bye. Ciao, là.